Chapitre 36. La vérité vous rendra libre. Le libre arbitre contre, opposé au programme national. En anglais, on dit versus, ça veut dire oui, contre, opposé. Oui, parce que il faut bien comprendre que le libre arbitre est une chose qui est essentielle à la vie et qui est clé à la vie. Et si l'on vous attaque en vous disant que votre libre arbitre est quelque peu limité, castré, manipulé, alors on vous insulte, car il est entendu que votre libre arbitre est l'essence même de votre existence. Bien sûr. La société ne vous manipule pas, les médias ne vous manipulent pas, le monde vous a toujours dit la vérité, et sur les guerres, hein, quand on prend par exemple les États-Unis, c'est un pays qui, pour beaucoup de Français, est un pays de rêve. C'est un pays de rêve. C'est le pays de la démocratie, de Superman, de Batman, de la réussite sociale, des grandes stars, de cinéma, des grands films, Hollywood, etc. C'est merveilleux comme pays. C'est quand même un pays qui a exterminé une nation entière qui vivait aux États-Unis. On appelait ça les Indiens. Hein, on les a exterminés, purement et simplement. Et on les a exterminés très souvent grâce à l'alcool ou grâce à certaines maladies. Qu'on prenait chez des malades, des vêtements par exemple, qu'on refilait aux Indiens. Pour développer des maladies qu'ils ne connaissaient absolument pas et qui a exterminé des peuples entiers. Oui, oui, oui, absolument, les États-Unis ont fait ça. Une fois qu'ils ont fini de massacrer les Indiens, ou pendant qu'ils massacraient les Indiens, ils ont commencé à tremper dans l'esclavage, l'esclavagisme. Oh, c'est pas que les États-Unis, hein, l'Europe l'a fait aussi, mais ils n'ont pas massacré les Indiens, l'Europe. Alors ils se sont lancés dans l'esclavagisme, et c'est quand même le pays qui a utilisé l'esclavagisme le plus longtemps, et en plus grand nombre. C'est bien pour ça qu'il y a tellement de Blacks aujourd'hui aux États-Unis, qui sont des descendants d'esclaves. Et descendants d'esclaves qui sont d'ailleurs totalement perturbés, détruits par le traitement que leurs arrière-grands-parents ont reçu des maîtres. Et aujourd'hui, les Blacks américains se comportent complètement avec leurs enfants comme les maîtres blancs se comportaient avec les esclaves avant. D'où une très grande violence. Ben là encore, pour les Blacks descendants d'esclaves, on peut se demander où est le libre arbitre finalement, caché au milieu de tous ces traumatismes. Et puis, les États-Unis, qui est toujours ce pays merveilleux de démocratie, a fait la guerre contre le Japon. Or, il faut savoir que le Japon avait perdu la guerre et qu'ils avaient abandonné. Hiroshima et Nagasaki ont été balancés sur des villes avec des enfants, avec des civils, avec des femmes, où on a massacré toute la population, évidemment, sans distiller quoi que ce soit, alors que le Japon avait déjà abandonné. Évidemment, ça aussi, c'est caché. Hein. Le Japon a abandonné à cause des bombes. Non, c'est pas vrai. Il était déjà détruit, avait totalement perdu la guerre avant. Mais les États-Unis, balançant une bombe sur Hiroshima et Nagasaki, ont imposé leur pouvoir total au monde entier. Les États-Unis, c'est vraiment une bande de pourriture. C'est un pays démoniaque, pourri jusqu'à la moelle, qui aujourd'hui a Donald Trump. Hein, je veux dire, il est élu, hein, on ne l'a pas imposé de force quand même. Hein. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur les Américains, c'est eux qui l'ont élu quand même. Hein. Donc les Français ne sont pas meilleurs hein, avec le président français, ce n'est pas mieux. Mais je donne un exemple. Si vous avez le regard véritable sur les États-Unis d'Amérique, Hitler, c'est un débutant, hein, c'est un rigolo, c'est un enfant de cœur. Et pourtant, grâce aux médias, grâce à la présentation, grâce à Hollywood, eh bien, les États-Unis, c'est un pays merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les Blacks se font descendre comme des rats. Quand les flics arrêtent un Black, dès qu'il bouge un petit peu, ils le descendent. Et donc, il y a plein de Blacks qui se font descendre comme des rats aux États-Unis. Mais pourtant, les jeunes d'aujourd'hui rêvent d'aller aux États-Unis, le pays de la démocratie. Oui, bravo, merveilleux, fantastique. Il y a un petit moment, j'étais aux États-Unis et il y a eu une tuerie dans une école parce qu'un gamin est arrivé avec un revolver et, ou un fusil, il a flingué tout le monde, il a flingué une quinzaine de gamins. Et alors après, les États-Unis ont décidé de réagir. Bah oui, donc vous, moi je suis là-bas, les États-Unis veulent réagir, ils vont interdire les armes à feu. Eh ben non, pas du tout. Ils voulaient passer une loi comme quoi les profs d'école doivent aller à l'école avec une arme à feu. Moi, je rigole. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il soit con à ce point-là. C'est pas possible, j'arrive pas à le croire. C'est un gag, c'est un sketch. Eh ben non, c'est pas un sketch, c'est très sérieux. C'est ce qu'on décide aux États-Unis. Et alors après, j'entends une dame, je suis à la radio, j'étais mort de rire. C'est tellement triste que j'étais mort de rire parce que c'est vraiment lamentable. C'est une prof black aux États-Unis qui dit non, mais moi je suis complètement contre la loi que les profs aient une arme à feu à l'école, parce que quand la police va arriver à l'école, s'ils voient une black avec un revolver, ce sera la première personne à se faire descendre, en l'occurrence moi. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord que les profs aient des armes à feu, parce que la police arrive, ils descendent le black avec une arme à feu, que je sois prof ou pas. Et quand j'écoutais ça, mais j'étais mort de rire, je me disais, mais c'est un sketch, ce pays, c'est un sketch ambulant, c'est pas possible. Et pourtant, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ils rêvent d'aller aux États-Unis parce que c'est le pays de l'avenir. C'est grandiose, les États-Unis. New York, la statue de la liberté. Ben, la seule liberté qu'on trouve aux États-Unis, c'est la statue, hein. Statue de la liberté, c'est tout. Le reste, vous pouvez oublier. Et si un jour vous faites choper par un flic aux États-Unis, vous allez voir que votre liberté, vous pouvez vous la mettre profond quelque part. Hein. Le flic, il ne parle pas avec vous, il vous insulte, il vous couche par terre, bras écartés, couché au sol. Non mais vous rigolez. Ça, c'est les États-Unis, le pays de la démocratie, de la liberté, de Superman, Batman et de la statue de la liberté. Et tout ce qui vous fait choisir les États-Unis, eh bien, c'est votre libre arbitre. Les médias, la télévision, toutes ces choses qui vous apportent des informations et des décisions de libre arbitre, tout à fait impressionnant par rapport à votre liberté et votre intelligence. Il y a une manipulation de psychologie que j'ai entendue il y a très peu de temps sur la BBC, que j'ai trouvé excellent, parce que cette petite manipulation démontre vos illusions. C'est-à-dire que si je vous demande « est-ce que vous aimez votre pays ?» Dans la plupart des pays à peu près normaux, pas aux États-Unis, mais dans les pays européens, on va dire que 60% vont dire qu'ils aiment leur pays et 40% vont dire qu'ils n'aiment pas trop leur pays. Ok, là vous direz « bah oui, bravo le libre-arbitre ». Mais nous pouvons tourner la question différemment. Il n'y a pas longtemps... dans une conférence faite par la BBC, je ne sais plus dans quel pays, un pays européen, ils disent, il y a 100 personnes, ils disent, ok, levez la main ceux qui aiment leurs parents. Sur 100 personnes, 100 personnes lèvent la main. Ce qui est un peu normal, à moins que vous ayez été torturé par vos enfants, par vos parents, et même dans ce cas-là, vous continuez à aimer vos parents à cause de vos traumatismes. Donc tout le monde lève la main en disant, on aime nos parents. Alors après, le type dit, bon, alors gardez la main en l'air, ok. Maintenant, quels sont ceux qui aiment leur pays? Ceux qui n'aiment pas le pays, descendez votre main. Et là, il y a une personne sur 100 qui baisse sa main. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une illusion, votre rejet de pays. Vous aimez vos parents et vos parents sont de votre pays. Et par ce fait, quand vous reconnaissez votre amour pour vos parents, vous êtes obligé tacitement de reconnaître votre amour pour le pays. Et il vous faut faire partie du pays de vos parents. Refuser le pays, c'est refuser vos parents. C'est refuser la maison douce dans laquelle vous avez grandi, qui vous a protégé, qui vous a éduqué, l'école, les amis d'enfance, le pays. Toujours le même pays. Et hormis le fait que vous ayez un profil très très différent parce que vous avez des parents qui ont voyagé dans le monde entier, etc. Donc on parle de 1% ou 0,1% de la population mondiale. La plupart d'entre vous, vous avez grandi dans un pays, vos amis d'enfance, c'est le pays, l'école, c'est le pays, la télévision, c'est le pays, la famille, c'est le pays. Et pourtant, vous allez croire que vous n'aimez pas votre pays. Or, vous devez comprendre que les choses vont exister d'une façon très établie dans votre esprit, par toutes les valeurs qui vous étaient inculquées d'une façon impériale, sans vous laisser le moindre choix, qui vous dit que vous devez être comme ça ou comme ça. D'autres statistiques qui peuvent être très révélatrices, par exemple, c'est le fait que certaines compagnies robotiques ont cherché à débloquer la situation par rapport à l'évolution mondiale. Donc, ils sont venus au fait de proposer, en théorie, hein, ils ne l'ont pas fait, 24 000 euros donnés à toute personne qui est éliminée de la vie professionnelle par un robot. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Ben parce qu'en ce faisant, ils ouvrent un marché gigantesque des robots et au bout du compte, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est purement commercial. La motivation, la présentation est purement commerciale. Ceci étant, la plupart des gens, 80%, vont refuser cette offre. Quand on fait des statistiques, on dit, est-ce que vous accepteriez ça? Ils vont refuser cette offre. Ils vont la refuser avec le speech, si je ne travaille pas, je n'existe plus. Je n'exprime plus ma créativité. Je n'ai plus mon existence sociale. Alors, je voulais vous informer d'une chose. Quand vous travaillez, vous êtes un robot. C'est quand vous travaillez plus que vous commencez à exister. Mais pour la société, pour votre pays, il vous faut travailler. Et donc, vous allez dire, si on vous propose en théorie une paye de 2 000 euros par mois sans travailler, vous allez dire non. Parce que ma créativité, parce que je veux exister socialement. En fait, vous ne parlez pas de vous-même, vous parlez de la programmation de votre pays. Parce que vous, si vous êtes libre, vous dites, attends, attends, tu me payes 2 000 euros par mois pour que je fasse ce que je veux, pour que je voyage dans le monde, pour que j'achète des choses, pour que je crée, pour que je fasse de l'art, mais tout de suite. Mais oui, bien sûr. Eh bien non. Avec le chantage social, la pression sociale, eh bien la réponse de 80% des gens, c'est non, je ne veux pas. Alors vous direz, vous qui m'entendez, oh mais moi je prends tout de suite, etc. Je suis en train de parler de la situation mondiale. La situation mondiale, c'est celle-ci et pas autre chose que ceci. Ce sont des statistiques tout à fait officielles qui nous révèlent la situation mondiale de l'état mondial de l'être humain, qui se targue de présenter devant lui son libre arbitre. Son libre arbitre en adorant le pays, son libre arbitre en refusant une paye sans travailler. J'ai entendu récemment des émissions sur la Première Guerre mondiale, guerre entre les Allemands, les Français, les Anglais et les Belges, enfin bon, plein de pays, hein. Et les Anglais, quand la guerre a été déclarée en Angleterre, c'était au mois de juillet, au mois d'août de 1914, je crois. Les gens, ils se battaient pour s'engager dans l'armée. Oui, ils étaient très heureux d'aller tuer de l'Allemand, de protéger les valeurs de leur pays. On est en train de parler de leur vie, hein. Ils vont partir pour tuer des gens qu'ils ne connaissent pas simplement parce qu'ils sont dans notre pays, et ils vont mourir tués par des gens qu'ils ne connaissent pas simplement parce qu'ils ne font pas partie du bon pays. Et les vétérans qui ont fait des trucs enregistrés dans les années 60 à la BBC, ils déclaraient que lorsque quelqu'un était refusé, parce qu'il voulait s'engager, qu'il était malade, pas en forme, quoi que ce soit, les gens qui étaient refusés pleuraient de honte et de tristesse parce qu'ils ne pouvaient pas aller tuer de l'Allemand. Et vous allez dire, ouais, mais ça c'était la Première Guerre mondiale, mais ça a été pareil partout. Et encore aujourd'hui, hein, pour la religion, pour le truc ou le machin, les gens sont très motivés pour tuer. Einstein disait, les gens qui sont prêts à aller tuer des gens parce que leur pays leur dit d'aller tuer ces gens-là, et qui aiment défiler au pas cadencé de la musique militaire, se sont vus décerner un cerveau, bien inutilement, par erreur, un système cérébro-spinal leur suffisait très largement. Alors c'est ce qu'on dit d'une façon très polie par Einstein pour traiter les gens de cons, mais la plupart des gens, quand il y a une guerre, ils pleurent pour y aller. Ah bah oui, ils doivent protéger leur pays, hein. Les valeurs de leur pays, liberté, égalité, fraternité. Alors aux États-Unis, il y a au moins la statue de la liberté. En France, la liberté, vous la trouvez que sur la monnaie, qui est quand même le symbole de la non-liberté par définition. C'est de l'humour en plus, c'est très drôle. C'est limite humour noir, sarcastique. On croirait avec des proches. Ou avec Coluche. C'est de l'humour à ce niveau-là, quoi. Thierry Leluron, je ne sais pas, enfin les vieux artistes. Hein. Ou Dieudonné, aujourd'hui, voilà. C'est de l'humour à Dieudonné. Liberté, égalité, fraternité sur les pièces. Qui sont le symbole de la prison totale, du pouvoir absolu. Et parmi ces vétérans de la guerre de 14-18, eh bien, il y a une infirmière qui parlait aussi et qui disait une chose très traumatisante, très marquante. Elle disait qu'elle avait vu un jeune militaire, vraiment très jeune, 18 ans, blessé, jeune Allemand blessé en Belgique, gravement blessé, qui pleurait et qui appelait sa maman. Vous voyez un petit peu ? Le gamin, il est par terre, gravement blessé, il appelle sa mère. « Maman, maman, viens m'aider. » Et il n'y a pas un Anglais, ni un Belge qui est venu s'occuper de ce gamin. Alors l'infirmière, quand elle voit ça, elle est choquée, elle veut y aller. On l'a empêché de s'approcher de l'Allemand. Parce que c'est un Allemand, c'est un pourri d'Allemand. Et à part ça, les humains sont libres, vous voyez humanité pour humanité, liberté, égalité, fraternité, libre arbitre. C'est quand même terrifiant. C'est quand même terrifiant quand vous voyez ça. J'ai entendu aussi une autre émission où il y avait toutes des questions comme ça qui étaient posées à Amsterdam, en Hollande. Et à un moment, il parle, évidemment, Hollande, qui est le pays le plus permissif sur plein de choses, hein, la drogue, le suicide légal, la prostitution, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, à un moment, il pose la question à ces gens-là, est-ce que la prostitution, est-ce que vous êtes contre ? Alors les gens disent, ben non, c'est complètement accepté dans le pays, les prostituées sont dans une vitrine, on peut y aller, on peut choisir le choix du matériel, hein, matériel, hein. Bien sûr, bien sûr. Et alors ils disent, ben c'est un choix de libre arbitre, si quelqu'un veut vendre son corps, c'est son libre arbitre. Ben oui, le libre arbitre. Moi, j'ai souvent connu des enfants de 10 ans, des petites filles de 10 ans qui étudient à l'école, et quand on leur dit « Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Elles disent « Prostituée, je vendrai mon corps. C'est super comme boulot. » Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que quand vous êtes obligé de devenir prostituée, c'est parce que vous êtes obligé. Peut-être vous venez d'un pays pauvre, peut-être vous êtes détruit psychologiquement, peut-être vous êtes drogué, alcoolique. Mais, je veux dire, de votre libre arbitre, vous ne choisissez pas d'être prostituée, il faut être clair quand même. De vous asseoir dans une vitrine où il y a des gens qui vous choisissent. Me dites pas que vous êtes épanoui de sérénité et de fierté parce que vous êtes prostituée, enfin, il faut arrêter ce délire. Or, les Hollandais, ils arrivent à parler d'un choix de libre arbitre parce que vous êtes prostituée. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à dire ça ? Puisque c'est organisé par le pays, que c'est officialisé par le pays, c'est donc juste, c'est donc un libre arbitre. La présentation propre en vitrine a le pouvoir, donc le pouvoir du pays de la présentation, a le pouvoir d'effacer tout le chemin de cauchemar qu'une fille va suivre pour en arriver à décider d'être prostituée, à donner son cul à toutes les bites qui passent par là, qui sont assoiffées, sales, puantes. Parce que bon, il ne faut quand même pas voler haut pour se taper une pute. Et je dirais, il faut être clair quand même, donner de l'argent pour enfiler sa queue, c'est lamentable, c'est en dessous de tout dans la conscience humaine. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu classique, un petit peu, mais c'est une honte, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Moi, si j'étais affamé sexuel et que j'ai absolument rien, et je vous jure, je ne peux pas aller chez une pute. C'est de penser que c'est une gamine, même si elle a 30 ans maintenant, hein, ou 40 ans, de penser que c'était une gamine avec sa poupée qui rêvait. Mais il faut être en dessous de tout pour se taper une pute. Il faut être en dessous de tout. Et malgré tout, Ben, en Hollande, c'est le choix de la fille, c'est son libre arbitre, puisque c'est dans une vitrine, c'est propre. Donc toute l'histoire d'avant, de cette fille pour en arriver à être prostituée, eh bien tout ça, ça n'existe pas, puisque le pays le présente librement. Maintenant, si je demande l'opinion à un Français par rapport à la prostitution, si je demande l'opinion à un Italien, à un Espagnol par rapport à la prostitution, où ce ne sont pas des pays où la prostitution est officialisée, entre guillemets, respectée parce qu'on paye les taxes, les gens de ce pays vont dire « Ouais, non, mais on comprend qu'il y ait des prostituées, mais c'est dégueulasse. Et la pauvre fille qui fait ça, c'est dégueulasse. » Mais en Hollande, puisque le pays l'a officialisé, accepté, eh ben, les Hollandais, ils parlent de libre arbitre. Mais c'est extraordinaire de penser ça. La présentation, l'officialisation, la bénédiction du pays a pu effacer toute la conscience humaine par rapport à une prostituée. Elle fait ça pour son libre arbitre maintenant, dites donc. C'est merveilleux ça, hein? Et quand vous regardez tous ces aspects-là, vous réalisez que le libre arbitre, eh ben, il n'a pas beaucoup de champ d'action. Hein. Vous savez, Michel Onfray, le philosophe Michel Onfray, il a défini la vie d'une façon que j'ai beaucoup aimée. Il a dit « La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. » C'est une relativement bonne définition de la vie. Eh bien, proportionnellement, moi, je vais vous dire, le libre arbitre, c'est l'ensemble des forces qui résistent au conditionnement national, à la religion, au traumatisme, à la famille. Et il n'y en a plus beaucoup, hein. On pourrait parler de 1 ou 2% de votre existence. Et pour autant, si je vous agresse sur votre libre arbitre, eh bien, je vous attaque, vous. Je n'attaque pas votre pays. J'attaque pas tout ce que vous avez subi, c'est vous. Je vous insulte parce que vous êtes un être libre et vous choisissez ce que vous voulez. Parce que vous êtes un être libre, merveilleusement libre, évolué. Actuellement, où je vous parle maintenant, je suis à Bologne, et en Italie, où je fais une action humanitaire pour enseigner à des enfants la musique, le français, l'anglais, la gymnastique, des gamins qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ne sont pas dans des écoles brillantes et de solutions, situations très aisées. Et en Italie, par exemple, donc je travaille gratuitement, bénévolement. Par contre, je suis hébergé gratuitement, je suis invité. J'ai payé le voyage, j'ai tout payé, mais après, je suis invité. Et la personne charmante, adorable, un couple hein, qui m'héberge, qui m'accueille. Le premier soir, il me demande mon passeport. Je dis, pour faire quoi? Il me dit, ben, pour déclarer à la police. Je dis, de quoi vous parlez? Il dit, ah oui, j'ai pas le droit d'héberger quelqu'un chez moi sans le déclarer à la police. Il faut que la police sache qu'il est chez moi, même pendant une semaine. Alors, vous voyez, moi, dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais videur. Et dans les boîtes de nuit, on a ce paradoxe qu'on n'est pas censé laisser entrer les filles de moins de 18 ans. Les filles ou les garçons de moins de 18 ans. Mais on n'a pas le droit de demander le passeport. Eh bien oui, on n'a pas le droit de demander le passeport parce qu'on n'est pas flic. On n'est pas une autorité officielle. Donc nous ne sommes personne pour demander le passeport à quelqu'un. C'est la loi, c'est comme ça. Eh bien aujourd'hui, en Italie, c'est un pays qui est tellement fliqué, tellement habitué à la délation, qui fait partie de la vie normale en Italie, que c'est absolument normal de demander le passeport à quelqu'un qui arrive chez vous. Et croyez-le bien, dans d'autres pays, demander le passeport, c'est une insulte. Nous ne sommes personne pour demander le passeport à quelqu'un. Nous ne sommes pas une fosse de l'ordre, et en tant que tel, on n'est personne pour demander le passeport à quelqu'un. Eh bien, on est passé au-dessus de cette loi aux États-Unis, en Italie. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Italie, tous les soirs aux informations, ils vous présentent la liste de plusieurs personnes qu'ils recherchent, où ils demandent des informations sur ces gens. N'importe qui peut téléphoner, et les gens le font très allègrement. Ils sont dans la délation totale, sans même savoir si l'accusation est honnête ou pas grave. Ça passe à la télévision, si vous voyez telle ou telle personne, téléphonez-nous, et ils arrêtent la plupart des gens grâce à la télévision, à la participation de la population. Les Allemands faisaient la même chose pendant la guerre de 39-45 d'ailleurs. Pas par la télévision, mais ils faisaient exactement la même chose. Ça s'appelait de la délation. Et en Italie, quand je leur dis, mais attendez, demandez le passeport, vous plaisantez, je veux dire, dans notre pays, ça ne se fait pas, ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas parce qu'ils sont habitués comme ça en Italie. Eh bien, voyez, leur libre arbitre est très italien. Hein. Eh oui, en Italie, on fait comme ça, donc ils sont absolument certains que dans le monde entier, on fait comme ça. D'ailleurs, les Allemands sont absolument persuadés de la même chose par rapport à d'autres obsessions qu'ils ont uniquement en Allemagne. Etc., etc., etc. Donc, tous ces gens qui ont ce libre arbitre, ils sont totalement contrôlés et programmés par les présentations, par les règles, par le rythme d'un autre pays. Aussi simple que ça. Absolument. Mais c'est l'expression de leur libre arbitre. La même chose pour la religion, la même chose pour la diététique. Ici en Italie, quand je suis arrivé en disant que j'étais végétalien, ils ont failli mourir. Je dis, bon, alors je serai végétarien. Alors, ok, ah, végétarien. Mais même végétarien, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Après, je leur dis, j'essaye de manger propre. Alors, ah oui, on comprend. Ils n'arrêtent pas de mettre des trucs au four micro-ondes. Ils n'arrêtent pas. Et des fois, je dis, non, non, ça va, merci. Ne le faites pas chauffer, c'est très bien, c'est très bien. Ils comprennent absolument pas, parce que le micro-ondes, tout le monde l'utilise en Italie. Donc, où est le problème? De quoi vous parlez? Dans d'autres pays, on met le micro-ondes de côté quand même, pour beaucoup de gens. Mais en Italie, non, parce que tout le monde l'utilise en Italie, donc c'est bon pour la santé. Le libre arbitre, vous dis-je, le libre arbitre. Alors, si je résume ma position à moi, je suis aveugle et je passe ma vie à voyager dans le monde, à aider des gens, à prendre position, à agir, à donner des cours gratuitement, à manger différemment, à pas fumer, pas boire d'alcool, pas prendre de drogue. Eh bien, ça fait de moi un monstre. Maintenant, le problème est le suivant. Est-ce que je suis un monstre dans les yeux des gens qui sont en face de moi, ou est-ce que je suis un monstre par rapport au système français, italien, espagnol, allemand, anglais, hollandais, chinois, japonais? Évidemment, je ne suis pas un monstre dans l'humain, dans les yeux de l'humain qui est en face de moi, qui m'admire. Pour la plupart, il dit ce mec, il a un courage fantastique, il est aveugle, il fait ça, il parle plein de langues, il m'admire. Mais il ne peut pas m'admirer. Parce que le programme de son pays, qui parle bien plus fort que sa conscience en lui, ne l'autorise qu'à me haïr. Donc je suis haï par tous les humains que je rencontre pour la plupart, parce que les pays me haïssent, pas parce que les gens me haïssent. Et pourtant, ils me haïssent parce que leur conscience n'a pas le droit d'exister. Uniquement le programme national existe à travers eux et ils me haïssent à cause du programme national. Donc cette haine que je rencontre chez la plupart des êtres humains est la preuve absolue du contrôle du programme national et de l'absence totale du libre arbitre. Car le libre arbitre de la plupart des gens va m'adorer. Et la plupart du temps, je suis haï par le programme national, pas par le libre arbitre des humains qui sont en face de moi et qui ne peuvent pour la plupart qu'admirer ce que je fais et le respecter profondément. Encore une fois, une démonstration ô combien importante. Il y a 2 jours, j'ai rencontré une dame qui voulait être mon guide en Italie. Et cette guide, future guide, elle a été très très touchée par quelque chose. C'est que j'ai commencé à faire un livre en italien où j'ai raconté certaines choses de ma jeunesse, où j'ai été très marqué par le décès de ma copine, qui est morte dans un accident de moto alors que j'avais 18 ans. Et cette fille, elle a été énormément touchée parce qu'il se trouve qu'elle-même, dans sa vie, elle a eu le même événement avec son copain. Sauf que moi, je me suis battu très fort. Elle est tombée en dépression nerveuse pendant des années. Elle a fait des tentatives de suicide. Et en lisant mon livre en italien, elle m'a dit, c'est formidable, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et encore une autre chose qui l'a encore plus touchée, c'est qu'il y a environ un an, elle ne m'a pas dit comment ni par qui, quelqu'un lui a dit, un peu médium ou autre, qu'elle rencontrerait quelqu'un qui serait extrêmement important pour son évolution, quelqu'un qui a des yeux différents, deux yeux différents. Or, malheureusement, c'est mon cas à cause de toutes les tortures que j'ai reçues. Et quand cette fille me rencontre, elle voit mes deux yeux, elle est clouée. Elle dit, oh non, en plus, oh, c'est fantastique, c'est chair de poule, et ainsi de suite. Et quand je parle avec elle, je lui dis qu'elle peut être ma guide, mais qu'il n'y a pas de stress, parce que j'ai d'autres personnes qui se proposent d'être mon guide aussi. Et donc je lui dis, si tu veux être mon guide, ma guide, pas de problème, mais si tu ne veux pas être ma guide, tu me le dis, il n'y a aucun problème, j'ai d'autres personnes qui attendent. Donc elle insiste, non, je veux absolument être ton guide, ce sera merveilleux, c'est fantastique, je peux apprendre tellement de choses. Ta venue a été tellement marquée par des signes magiques, c'est fantastique, c'est merveilleux. Il y a 3 semaines, j'étais en Espagne, j'ai dû quitter l'Espagne. Je me retrouve maintenant dans un petit appartement avec une copine. On vit tous les deux dans une petite pièce, seulement avec son salaire à elle. C'est vraiment galère. Je te rencontre, tu vas m'offrir l'appartement, les voyages, le salaire, c'est parfait, c'est parfait. Elle est hyper enthousiaste, et parce que je représente, et parce que je peux offrir. Surtout dans sa situation où elle est avec sa copine, où ça devient très dur, et voilà. Et dans la visite, où j'ai rencontré cette dame pendant 2 ou 3 heures avec aussi une autre amie, il y a un monsieur qui est là, qui se présente étant un chaman, qui présente les drogues comme étant très importantes, et je lui dis, bah, t'as le droit, mais moi je suis pas du tout là-dedans. Ah oui, mais telle drogue, c'est vraiment pas une drogue, ça ouvre la conscience. Ouais, c'est bien, mais moi je suis pas du tout là-dedans, donc peut-être que t'as raison, mais ça m'intéresse pas. Et ça lui plaît pas. Ah oui, ça lui plaît pas, parce que j'ai pas apprécié sa drogue. Et par contre, avec la fille, ça se passe ultra bien. Et avec lui aussi, il est un peu déçu, quoi. Et puis après, je pars, la fille doit me contacter le lendemain, elle ne m'a plus jamais contacté. Donc j'ai dit non à d'autres personnes et elle ne m'a juste plus jamais contacté. Parce que son copain, le chaman, lui a certainement dit que j'avais un champ énergétique très négatif, puisque je n'apprécie pas la drogue. Ce grand chaman, d'ailleurs, qui n'aide absolument pas son ami, hein. Mais pas du tout. L'autre, elle habite dans un appart chez une copine, pas du tout chez le chaman. Mais le chaman lui a dit, et le chaman a pu penser pour elle, alors elle a obéi. Elle ne sera pas ma guide, elle ne voyagera jamais, elle ne quittera pas son ami qui finira par l'acheter de recouper dans le cul parce qu'elle en aura marre, et ainsi de suite. Et le cauchemar continuera pour cette fille, même si le destin lui avait souri. Eh oui. Mais cette même dame, si vous parlez avec elle, elle vous parlera aussi de son libre arbitre, évidemment. Bien entendu. Et si on accepte une soumission totale envers une personne, c'est parce qu'on a une soumission totale envers un pays, envers un protocole, envers un pouvoir, envers une religion. Libre arbitre. Souvent répété pour justifier sa position d'esclave et d'endoctriné. Et moi, dans ce monde, cette fratrie diabolique humaine, où la famine, le pouvoir, l'argent est au-dessus de tout, où on se plaint des réfugiés qui arrivent en Europe, où on se plaint des gitans, où on se plaint de tellement de choses, où on massacre, où on trahit, où on tue, où on vend, où il n'y a aucune forme d'humanité, de respect, de fraternité, dans cette fratrie diabolique humaine, dans ce monde de zombies, je suis un monstre. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'ange de lumière au milieu des zombies est un monstre. Et dans cette fratrie diabolique humaine, pour moi, être un monstre est la plus belle reconnaissance qu'il puisse me faire dans mon état angélique. Maintenant, dans ce monde de fratrie, de diablerie humaine, la solitude de l'ange est terrible. Terrible. Vraiment. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cela. Il y a bien des gens sur même mon livre, La vérité vous rendra libre, qui m'ont contacté très gentiment en disant mais Iji, arrête de dire que t'es moche, que tu pues, que... Mais attends, tous les zombies me le disent, perpétuellement. Perpétuellement. Comment juge-t-on la beauté ou le bon parfum? Par une beauté décidée par une société, un parfum décidé par une société, ou par les réactions de ceux qui nous entourent? Et par les réactions de ceux qui nous entourent, je pue, je suis un monstre. Même si je sais que je ne le suis pas dans les eaux de Dieu, dans les yeux de Dieu et dans les yeux des anges et des guides célestes. Je sais que j'ai une très grande valeur auprès d'eux. Mais dans l'humanité, je suis un monstre, je pue. C'est une réalité que je rencontre tous les jours. Et lorsque les gens me haïssent, peuvent-ils me haïr par eux-mêmes? Attendez, vous appelez André ou Marguerite et vous rencontrez un mec qui est aveugle, qui utilise l'écholocalisation pour voir plein de choses, qui donne sa vie à s'occuper des gens, à faire des actions humanitaires, à prendre des risques un peu partout, qui refuse de manger les cadavres des animaux, ce mec, il est super. Il est super, vous pouvez que l'adorer, vous pouvez que l'aimer. Vous, André ou Marguerite. Mais le programme national qui est au-dessus de vous et qui vous contrôle totalement ne peut que me haïr, car je suis un ennemi et un danger de ce programme national. Et puisque les gens que je rencontre me haïssent, ils ne peuvent pas me haïr en tant qu'être de libre arbitre. Ils ne peuvent que me haïr en tant que programme national. Et je peux vous assurer que si je m'amuse à faire une statistique sur tous les gens qui me haïssent, qui trouvent que je suis moche et que je pue et que je devrais crever, le programme national est partout. Car il est bien tendu qu'il faut s'incliner devant le programme national. Il faut accepter le programme national. Il faut respecter le programme national. J'étais dans une classe, hier ou avant-hier, où j'étais invité, où un prof faisait un cours pour me montrer un petit peu les élèves et comment les cours se passent. Et alors, vous avez la prof, par exemple, les gamins, ils arrivent, ils ont entre 10 et 13 ans. Et il y en a une qui s'assied sur le bord d'une table. Et la prof lui dit, assieds-toi correctement sur la chaise, s'il te plaît. Ah bah oui, c'est quand même très important de s'asseoir correctement sur la chaise. Si on ne s'assied pas correctement sur une chaise, notre cerveau n'est pas disponible. C'est bien entendu, c'est clair, dans l'esprit du libre-arbitre. Où serait-ce le protocole national? Nous devons nous asseoir correctement, être bien obéissant, classique, propre, identique au voisin qui est identique au voisin qui est identique au voisin qui est identique au prof qui est identique au directeur d'école qui est identique au président. Eh oui. Par contre, quand les enfants après étaient violents entre eux, qu'ils parlaient pendant qu'elle expliquait, qu'elle disait rien. Ah bah oui, ça c'est, ce sont des mauvais élèves, on accepte. Mais qu'on s'assied incorrectement, ah bah non, ça on va pas accepter quand même. Hein? Quand vous voyez toutes ces choses-là, suis-je un monstre ou suis-je un ange de liberté? Et au regard de cette fratrie diabolique humaine, oui, je suis un monstre. Ce qui est ma plus belle consécration, d'être un ange au milieu des zombies, au milieu des vampires. Et au milieu de tout ce groupe massivement autour de moi, oui, je suis très seul, oui. Mais je sais qu'à la fin de cette existence, que quand j'ai la chance de pouvoir quitter ce corps physique, de pouvoir quitter cette vibration de fratrie humaine diabolique et démoniaque, je vais auprès de mes frères et sœurs, frères angéliques de lumière, de liberté et d'amour. Et l'évolution de ma vie après ce corps physique est une évolution merveilleuse et positive. Mais à cause de cet état, l'état de vie dans cette fratrie démoniaque est une vie de souffrance et de torture. et de tristesse. À chaque fois que je dis non à l'orgueil, au pouvoir, aux manipulations, à la pollution, au massacre des animaux, j'insulte cette fratrie diabolique. À chaque fois que je m'oppose au pouvoir des gouvernements, de la violence, du racisme, j'insulte cette fratrie démoniaque. Et si vous êtes clair et libre véritablement, vous êtes au courant de cette solitude. Et lorsque vous rencontrez, comme vous, un frère ou une sœur de lumière, vous vous aimez réciproquement, infiniment, avec ou sans sexe, ça n'a aucune importance, mais vous vous reconnaissez dans cette solitude, vous vous soutenez l'un l'autre dans cette solitude, au milieu de cette confrérie démoniaque de zombies, vous vous reconnaissez l'un l'autre, vous fabriquez vos petits villages de survie, comme dans The Walking Dead. Or, combien parmi vous me disent « Iggy, on voudrait te rencontrer, on est tellement seul, on est tellement triste. » Non, les gens sont bien entourés et bien heureux. Comment faites-vous pour avoir une masse d'amis lumineux? Comment faites-vous? Et il n'y a virtuellement aucun être lumineux que des zombies, des gens contrôlés par le système humain, par la société, par la peur, par les médias, par la police, par la télévision, par... Et tous ces gens-là sont noirs, font partie de la fratrie de violence, sont racistes parce que les Africains débarquent en Europe. Il faut faire quelque chose contre ces sales négros. C'est ce que j'entends de partout. Et quand je me bats pour protéger les réfugiés africains, ben je regarde à gauche, je regarde à droite et je suis tout seul. Ben où sont mes frères? Ceux qui veulent aussi se battre pour la démocratie et la liberté. Je suis tout seul. Alors comment vous faites-vous pour avoir plein d'amis lumineux? C'est parce que vos amis ne sont pas lumineux. C'est parce que ce sont des gens qui correspondent à la fratrie démoniaque dont vous faites partie aussi. Et donc vous avez l'impression que cette fratrie est pleine d'êtres équilibrés, merveilleux et lumineux qui sont tous vos amis. Dans la société d'aujourd'hui, si vous avez de nombreux amis, vous êtes certain que vous faites partie de la fratrie démoniaque. Si vous êtes tourné vers la lumière, vos amis sont bien rares et vous êtes très seul. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que la situation est telle sur ce monde. Et je suis si impatient de partir de l'autre côté. Quelle ne sera ma joie que d'aller vers mes frères et sœurs lumineux, vers les anges de liberté, d'amour. Car vivre sur terre est un cauchemar. Vivre au milieu des zombies et des vampires est un cauchemar. Alors, j'avance dans mon chemin et j'essaie de donner de la lumière et de l'espoir pour que certains enfants ne deviennent pas des zombies, pour qu'ils aient quelque chose qui les ait marqués, et qu'ils ne deviennent pas des zombies, qu'ils ne deviennent pas l'un de ces monstres. Et pour le reste, j'avance et je combats le mal, détesté et haï de tous, isolé, je continue à combattre le mal et à gagner sur mon chemin de lumière, jusqu'au moment où je serai libéré de ce corps et de cette vibration pour bondir dans l'amour, la vérité et la liberté des anges. Merci.